Chapitre 20e. De tous les nombreux documents qui étaient entre nos mains et qui nous ont servi à raconter cette histoire, il ne nous reste plus qu'un petit nombre de notes très peu détaillées. Nous sommes arrivés au cinquième acte de notre drame. Le moment des lenteurs obligées est pressé, l'action nous emporte et les faits nous précipitent vers le dénouement. On dirait que cette affaire de la rue de la Paix suit la même marche que les événements dont Paris est le théâtre depuis le 22 février 1848. Elle est entraînée, pour ainsi dire, dans le mouvement politique. Rue de Grammont, les incidents vont succéder aux incidents, comme aux Tuileries, les ministères succèdent aux ministères. Ici, une scène d'une violence inouïe est remplacée par une autre plus dramatique encore. Là, Molé remplace Guizot. Thiers et Odilon Barrault remplacent Molé. Une première concession en amène une autre. À la réforme succède la régence, à la régence la République. Cette corrélation ne nous étonne pas. Le grand entraîne toujours le petit. L'agitation des masses se communique aux individus. La fièvre qui court dans les rues monte dans les maisons. Lorsque, après le départ de Vibert, Julia fut parvenue à se remettre de son indignation, elle réfléchit un instant, prit une détermination énergique et s'assit à son bureau. « Ne venez pas me voir dans la journée, » écrivit-elle à Savary, « mais accourez ce soir à 7 heures précises. J'ai à vous communiquer de grands projets. » Elle cacheta et appela Marietta. « Fais porter tout de suite cette lettre à son adresse et reviens me trouver, » lui dit-elle. Quand Marietta eut exécuté cet ordre, Madame Vidal lui dit « Nous partons demain pour l'Italie. Prépare nos malles et habille-moi, il faut que je sorte. » Un instant après, elle monta en voiture, se rendit chez son notaire, avec qui elle régla différentes affaires, entra dans l'église Saint-Roch, où elle resta longtemps en prière, et se fit conduire au cimetière du Père Lachaise. Elle s'agenouilla sur une tombe, sanglota, et parut implorer un pardon. C'est à grand-peine qu'elle put accomplir ses différents pèlerinages. Nous sommes au mercredi 23 février et Paris était en pleine insurrection. Des régiments entiers, en ordre de bataille, défilaient sur les boulevards. De fortes patrouilles circulaient dans les rues. L'artillerie, précipitamment amenée de Vincennes, se tenait sur les quais aux abords des portes Saint-Denis et Saint-Martin. Ici, la troupe de ligne fraternisait avec le peuple. Là-bas, des gardes nationaux essayaient de s'interposer entre les municipaux et l'émeute. Des gamins parcouraient les rues en criant « Vive la réforme !» Des ouvriers plantaient un drapeau sur une barricade, des étudiants chantaient la Marseillaise. On poussait des cris de mort du côté de Saint-Méry. À la caserne Saint-Martin, aux arts et métiers, dans la rue Bourg-l'Abbé, on entendait le bruit d'une vive fusillade. Et au-dessus de ces rumeurs, de ces cris, de ces détonations, retentissait la voix lugubre du tocsin. Aucun accident n'arriva à Julia. Elle traversa sans encombre une grande partie de Paris. Du reste, un homme qu'elle ne remarqua pas la suivit tout le temps et veilla sur elle. Il se glissa même dans sa maison et se dirigea vers l'escalier de service tandis qu'elle prenait le grand escalier. Il était près de 7 heures lorsqu'elle rentra chez elle. Marietta, inquiète, courut à sa rencontre et Savary ne tarda pas à arriver. « Qu'avez-vous? Quels sont les grands projets dont vous me parlez dans votre lettre? L'émeute vous effraie-t-elle et désirez-vous fuir Paris ?»« Justement, » répondit-elle, « je ne veux pas rester plus longtemps exposée à tous les dangers qu'on rencontre ici. Je pars dès demain. »« Partons, » dit Savary. « Vous me suivez? Comment peux-tu me le demander ? » s'écria-t-il en lui baisant les mains. Elle le regarda fixement, lut dans ses yeux tout l'amour qu'il ressentait pour elle et lui dit « Asseyez-vous là, je vais vous parler sérieusement. » « Je vous écoute, mon ami, » dit Savary, qui prit place à ses côtés sur le canapé du salon. « J'ai commis, » lui dit-elle, « une grande faute, une faute encore plus grande que je ne pensais. Je viens de la pleurer amèrement, mais je ne veux pas vous en rendre responsable, et il n'en sera plus question entre nous. Je me fie à votre amour qui se chargera, j'en suis certaine, de me faire oublier le passé. « Oh oui, » s'écria Savary, « toute mon existence t'appartient. Je n'en doute pas. « Reprit-elle, que deviendrai-je sans vous? J'ai même, ajouta-t-elle tristement, perdu le droit de me souvenir. »« Ne te souviens pas. Crois et espère. »« Tu parles de partir pour l'Italie, eh bien tant mieux. Je le désirais. Là-bas, dans ce beau pays, sous cet éclatant soleil, auprès de toi, appuyé contre ton cœur, je me compléterai. J'acquerrai les qualités qui me manquent encore. Et j'arriverai à effacer entièrement de ma vie mes mauvaises années, mes erreurs et mes fautes. Et je serai fier de toi. » dit-elle avec entraînement, car peu à peu Savary lui communiquait son ardeur et lui faisait oublier les émotions de la journée. « Où irons-nous » reprit-il. « Est-ce à Gênes, dans ta famille ? Oui, je serai heureuse que tu te fisses aimer de ma mère. Comment me présenteras-tu? Comme un ami? Non. Pour tous les miens, tu seras l'homme dont je porterai le nom lorsque mon deuil sera terminé. Tu consens? S'écria-t-il. Certainement, répondit-elle avec simplicité. Tu peux m'épouser en toute sécurité, ajouta-t-elle en souriant d'une façon charmante. Ma famille est honorable, il n'y a rien de mon passé qu'on puisse me reprocher. Ah, fit Savary, que je voudrais pouvoir en dire autant. En ce moment, le salon de Julia fut subitement illuminé. Une troupe d'hommes portant des torches traversait la rue de Grammont pour gagner les boulevards. Ils étaient précédés, suivis d'une foule immense chantant la Marseillaise. Des tambours et des clairons accompagnaient les voix. Tous célébraient à l'envi la victoire que le peuple avait remportée dans la journée sur la royauté. Les réformes demandées étaient accordées. Le ministère venait d'être changé. On quittait les barricades. Les troupes rentraient dans les casernes. La circulation se rétablissait. On fraternisait et on illuminait de toutes parts, sans se douter qu'une heure après, on allait s'égorger sur le boulevard des Capucines. Quelle que soit l'opinion à laquelle on appartienne, rien n'électrise comme ces chants, ces bruits, ces clartés, ces joies. Ils communiquent une ardeur extraordinaire aux gens les plus calmes. Ils donnent du courage aux timides et des nerfs aux natures les moins nerveuses. Savary, déjà vivement ému par la conversation qu'il venait d'avoir, était profondément surexcité. Lorsque, après avoir jeté un coup d'œil par la croisée, il reprit sa place auprès de Julia. Il était dans un de ces moments où les plus sages oublient toute prudence, se contentent d'obéir à leurs inspirations et voient la vie sous un nouvel aspect. Ce qui l'instant d'auparavant eût paru impossible, monstrueux, semblait maintenant naturel et simple. Il vous prend des fantaisies étranges, des hardiesses extraordinaires, on se croit tout permis. Depuis longtemps déjà, Savary songeait à faire une importante confidence à Julia. Un poids énorme l'étouffait, une pensée le torturait, une vive douleur empoisonnait ses plus grandes joies. Il lui semblait que s'il pouvait confier son secret à quelqu'un, s'épancher dans le cœur d'un ami, se confesser et pleurer, il souffrirait moins. Si surtout Julia, en qui il avait une confiance absolue, voulait l'entendre, et après l'avoir entendu, croyait pouvoir l'absoudre, il serait sauvé. Mais, prêt à parler, il s'était toujours tu. Cette fois, il prit son parti. Elle venait de lui parler de sa vie, il devait lui parler de la sienne. Il ne pouvait y avoir de secret entre eux, il s'aimait trop. Avant de la laisser porter son nom, l'honneur lui ordonnait de dire ce qui pouvait entacher ce nom. Qui serait indulgent si ce n'était Julia? Qui, mieux qu'elle, pouvait essuyer ses pleurs, le consoler, le réconforter par de douces paroles? Les cris, les chants, les clartés montaient toujours de la rue. Il se rapprocha d'elle et lui dit « Un secret m'oppresse. Veux-tu que je te le confie ?»« Sans doute, » dit-elle simplement. « Ah, c'est un remords terrible, » fit-il. « Un remords qui me déchire le cœur. »« Un remords ?» répéta Julia en levant la tête. « Écoute, » reprit-il avec une exaltation extraordinaire. « Si on te disait tout à coup que l'homme que tu aimes, celui à qui tu as donné ta vie, dont tu consens à porter le nom, s'est rendu coupable d'une mauvaise action. A commis un crime, peut-être. »« Ah ! » s'écria-t-elle, « je ne croirais pas cela. Si c'était vrai, cependant. Si dans un moment de colère et de folie, il avait osé frapper un homme. » Elle pâlit et se recula. « Et si, » ajouta Savary, par une fatalité inouïe, cet homme était mort des suites du coup porté. « Tais-toi, tais-toi !» s'écria-t-elle instinctivement. « Non, » reprit-il, « j'ai commencé, je dois finir. Ce secret m'étouffe. Il faut que tu me condamnes ou que tu m'absolves. » Elle voulut encore lui imposer silence, mais il ne l'entendit plus. Il s'était levé et, agité, fiévreux, il marchait à grands pas dans le salon. « Écoute, » lui disait-il, « apprends à me connaître. Calme, tranquille d'ordinaire, j'ai des moments où je suis emporté, violent, où je ne me possède plus. Quelquefois, certains vins me font perdre la tête. J'avais dîné dans un restaurant des boulevards, j'étais tourmenté, malheureux, et pour m'étourdir, je m'étais laissé entraîner à boire plus que de coutume. Après le dîner, je me rends chez un jeune homme avec qui j'avais eu déjà de sérieux démêlés d'intérêts. Je lui devais une somme importante, je ne pouvais pas la lui payer, je voulais le prévenir. Je le trouve seul, chez lui, il venait de rentrer et il allait se coucher. Il me reçoit durement. Je lui explique ma pénible situation, ma gêne. Je le prie de ne pas poursuivre. Je lui dis « Vous achèveriez de me ruiner. Vous m'enlèveriez le peu de crédit qui me reste à la bourse et qui me fait vivre. » Il me répond que cela lui importe peu. Je le supplie, oui, je le supplie. Je descends à le supplier. Il est insensible à mes prières. Alors, au comble de l'exaspération, je m'écrie. Vous verrez que vous serez cause d'un mauvais coup. Plutôt que d'être humilié, poursuivez encore, je me tuerai. Vous, répondait-il d'un ton moqueur, vous tuez, allons donc. Tenez, voici un charmant couteau poignard, je vous l'offre. Tellement je suis persuadé que vous n'en ferez pas un mauvais usage. Machinalement, je prends le couteau, mais le sang me monte à la tête. Les vins capiteux que j'ai bus me font perdre la raison. Je ne supplie plus mon créancier, je me plains de ses rigueurs, je lui reproche sa dureté. « Ma dureté !» s'écrie-t-il. « Tenez, voici vos billets, je vous les rends, prenez-les, je ne veux plus rien avoir de commun avec vous. Mais j'aurai le droit de dire partout que vous êtes un voleur. »« Un voleur ? Moi ?» Je me précipite sur lui, il me frappe au visage. Alors, fou de colère, je le frappe à mon tour avec le couteau qu'il m'a mis entre les mains. Il pousse un cri et tombe. Je jette le couteau loin de moi et je m'enfuis éperdu. « Ah, c'est ainsi que cela s'est passé, je le jure !» Il s'arrêta, reprit haleine et continua tout en marchant, sans regarder Julia. « Je croyais lui avoir fait une blessure légère. Je l'avais tué. Quelques jours après, j'étais arrêté. D'abord, je voulus tout avouer. Aucun jury ne m'aurait condamné. J'étais un malheureux. Je n'étais pas un malfaiteur. J'avais donné la mort, mais je n'avais pas eu l'intention de la donner. » Tout à coup, je me rappelais ses billets qu'il m'avait rendus, que je ne voulais pas prendre, et qu'il avait mis presque de force dans la poche de mon paletot. Ils avaient dû y rester, on les y avait trouvés, et si j'avouais, j'étais perdu. Je n'étais plus qu'un assassin vulgaire. J'avais tué pour rentrer dans ma dette. Alors, je résolus de me défendre, d'employer toute mon intelligence à tromper la justice et à sauver ma tête. « Ah !» me disais-je, « si la vie me devient à charge, si le souvenir de mon crime est odieux et me rend l'existence insupportable, il sera toujours assez tôt pour me tuer. Je choisirai mon genre de mort, et sans qu'il soit besoin de porter ma tête sur l'échafaud, je me ferai justice à moi-même. » On crut à mon innocence, on me rendit à la liberté, et au moment où, désespéré, j'allais peut-être en finir avec la vie, tout à coup, je m'y cramponnais de toutes mes forces, car je venais de te rencontrer, et je t'aimais. « Parle maintenant. » ajouta-t-il en s'avançant vers Julia, mais sans oser encore la regarder. « Parle, tu connais mon crime. Veux-tu m'absoudre ?» La tête dans ses mains, elle ne répondait pas. Ce silence l'effraya. Il posa la main sur le front de Julia et il essaya de lui relever la tête. Il se recula avec effroi. Sa tête était livide. De grosses larmes coulaient le long des joues. « Oh ! S'écria-t-il, je suis donc plus coupable encore que je ne croyais ?» « Tu refuses de me pardonner ?» Elle se leva lentement et elle dit d'une voix étouffée. « Je suis la veuve de Maurice Vidal. »